ma chérie. Je connais ce genre de mec. Mythomane, on mensonge pas net. C'est kleptomane, c'est vendu, c'est lâche. Vole ton cœur, puis prenne le large. Je connais leurs vices et tous leurs outils. Ils appuient là où ça te bousille. Où ça fait mal, là où y a des failles. Ils dessinent la plus petite entaille. Puis mets du sel sur tes blessures. Pour te reconstruire, ils créent la cassure. T'es plus touché par sa comédie. Tu réalises et là tu te dis: j'espoir des gènes. Mon cœur, celui qui fait mal. Celui qui me sert, je veux quitter mes repères. Je préfère te perdre plutôt que me perdre. Tu ne sens pas ma douleur, tu ne veux pas ma douleur. Je garderai ma douleur, je pars avec ma douleur. Je connais ce mec qui te met dans le gouffre. Il te coupe de tous et de toutes. Il t'enferme pour pas que tu souffles. Et fait comme si c'est toi qui l'étouffes. Sur sa bouche lisait le mensonge. Dans ses yeux je voyais la vérité. Des questions sans aucune réponse. Bon qu'à dire j'ai ce que j'ai mérité. Puis mets du sel sur tes blessures. Pour te reconstruire il crée la cassure. T'es plus touché par sa comédie. Tu réalises et là tu te dis: j'espère qu'il gêne. Mon cœur celui qui fait mal. Celui qui me sert, je veux quitter mes repères. Je préfère te perdre plutôt que me perdre. Tu ne sens pas ma douleur, tu ne veux pas ma douleur. Je garderai ma douleur, je pars avec ma douleur. C'était tout le contraire de ce que t'étais. Mais je connais quand y'a la fierté. Tu fais l'effort de te tester. Tu disais, tu visais les étoiles quand tu priais, les mains vers les cieux quand tu cries.